jingle pour commencer, inspiré de, je sais pas, de Philippe Glass. C'est un peu... Bon, en fait, bon, je suis arrivé là, j'étais fatigué, j'ai un peu dormi, j'étais là, du coup, je vous ai fait un peu plein de trucs, j'ai fait un peu plein de trucs tout le monde cette semaine. Je me suis dit, bon, à la fin, faut quand même un peu présenter ça, et voilà. Donc, je commençais par faire ce petit jingle. Et je pense qu'on va commencer par une pièce assez silencieuse, en fait, assez contemplative. En fait, j'ai vu qu'il y avait un reel-to-reel, un système magnétique à bande, et j'ai commencé un peu à m'amuser avec. Et je trouve juste beau d'entendre la bande magnétique tomber au sol, en fait, parce que je me suis amusé un peu à maltraiter la bande. Donc je me dis, on pourrait commencer par cette pièce-là, très, très simple, en fait, vraiment... une sorte de concrete music, de musique concrète, du support même qui tombe au sol, en fait, et c'est même plus, on n'entend plus du tout la musique, ce qu'il y a dessus, mais bon, le support lui-même. Donc je vais vous envoyer ça tout de suite, après la fin du jingle. Ouais, voilà, bon, une pièce assez conceptuelle. Bon, ça, vous entendez bien dans la salle? Ouais, super. Alors maintenant, je vais vous mettre un slow parce que en faisant ici, j'ai eu cette idée. J'aimerais faire vraiment plein de slow. Finalement, j'en ai fait trois. Donc, je vais vous faire au long de cette émission vous faire écouter trois slows différents. Donc, ça, c'est un slow composé à partir de slow existants. De deux slows existants, et du coup j'ai un peu chanté, je suis un peu romantique tout ça, et puis je sais pas, j'aime bien les slows, alors... I'm not going to be able to do that. Que je peux vous faire écouter, parce que du coup toute la question c'était qu'est-ce que je mets en premier, qu'est-ce que je passe après, etc. Alors je crois que je vais vous faire écouter j'ai un peu une grosse pièce, une espèce de composition que j'ai créée comme ça, un peu avec j'ai découvert le Chaos Pad et puis je me suis amusé à faire plein de choses avec, donc je peux essayer de vous la enfin je vais pas essayer, en fait je vais vous la faire tout simplement. Elle est un peu plus elle est un peu technique, alors faut un peu gérer, je vais essayer d'allumer tout. On verra le volume, au niveau du volume si ça joue ou pas. Bon, on va essayer. Pour voir ce que ça donne. Bonsoir. Das ce haut de protection. Je suis pour que les religieux respectent le pays. La chose qui est entièrement parce que. Restez la. Si les gens n'ont pas. La France prend moins l'enfance. Sur le vous êtes Je vous ai pas laissé, c'est vous qui me traitez. Non, aujourd'hui, vous ai pas critiqué. Laissez-moi terminer. C'est mon intérêt. Laissez-moi terminer. C'est vous qui m'avez dit. C'est vous qui m'avez critiqué. Moi, je vous ai pas. Et j'allais dire que c'était très bien votre. J'allais dire que c'était très bien votre université populaire. C'est de l'action. Eh bien, il est parti. Il a donné quoi? Il a donné un grand coup que j'ai lancé dans les banlieues. Tout la merde. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het weer hetzelfde is. Reageer je daar dan op? Ja, eerst met die over ongeloof is eigenlijk het ongeloof is je probeert dan terug te trekken. Allee, sorry. Ja, meneer, jij had ces images sont tout simplement royales. J'ai vu un magnifique engin d'abondement des îles qui a été défini au-dessus de la mer. C'est un point de vue pour l'impression de métal, on a l'impression d'avoir un peu de métal qui est à soi. Et c'est ça, on est ça, on voilà des terriens. Les ailes ont été reconstituées. Et c'est un peu de métal qui est à soi. Je crois que ce qui s'est passé à Kingsburg provient de Je te fais écouter un truc. Ok, allez. Il a été fait pour le Depuis les événements étranges de l'élection de décembre 1965, cette petite île est située à 40 km au sud-ouest de l'île de Chine. Il y a ceux qui croient très proche de l'extraterrestre de cette île. Alors, les gens ont une fin de Yeah. Nous allons comme déboucher ou comme enlever des glandes anales, glandes sexuelles, ouais, marche, je tape le vent, il est très comme passons. Côté tout de simple sur ce stop de côté, c'est soit des pas ferme et donc là soit très souvent on soit l'on a quand les canals sont bouchés, ça fait des mangeaisons la nuit de l'hôpital de mais quand les canals ne sont besoin et elles pas une infection, c'est une autre spécifique. Si votre glande gorge régulièrement, il faut faire. Là aussi, si vous vous protégez, si vous protégez, c'est prendre un chiffre, sur les mains, je peux vous dire que vous gardez l'odeur pendant 2 ou 3 jours. Et la vous tirez. Et avec le sopalin, de chaque de derrière, et d'appuyer comme si j'appuyais sur une poire. Poire. Avec ce sopalin, quand j'appuie, et que j'appuie sur. C'est que je vais vider ce produit, qui est un produit naturel, il est noir, c'est normal, qui est un produit naturel, et j'ai vidé donc les glandes anales de mon chien. Donc voilà, une pièce au Chaos Pad. Et puis maintenant, je vais vous faire passer un truc que j'ai enregistré dans un magasin avec l'aide de mes camarades, Jonathan et Séléné. Les cerveaux sont les mêmes. Hein. Non. Ça là, si vous voulez, c'est le coin café. C'est chouette. Merci Anna. On va partager le café parce que tu en peux prendre 2 verres, mais c'est énorme. Oh, il y a tout l'eau qui coule. Faut refaire. Non, jette là. C'est chaud. T'aurais pas bien mis le ça. Écoute, moi, je vais sauter aussi débile. Là. C'est vrai qu'il coule bien l'air, le truc. Tu veux aussi Ah, mais j'en prends bien. Ah, tu veux une entière? Ouais, ok, alors je parle là-dessus. Attends. Non, je vais boire. En plus, moi, ça va me rester là-dedans. Ah, c'est un massico, en fait. Ah, c'est joli, ça. C'est un mini massico. Comme ça. Non, ça coûte combien, ça? Tu vois, mademoiselle, ça fait et voilà. Donc maintenant, je vais jouer un slow. En fait, je vais jouer 2 slows de suite parce que en fait, j'ai oublié de mettre un slow à un endroit. Et du coup, là, il faut que je vous en fasse 2 et après, ce sera fini. Ça va ? Ah, salut. Alors, attends, on va faire ce slow-là qui est un slow. Voilà. Alors, il faut que je mette assez près. Comme ça. On dirait qu'on s'est livré sur les lèvres. Son doux visage qui me souriait quand tu ressembles à une aquarelle de Marie-Laurence. Et de se fondre au point d'oublier le Vercors. Je me sens comme une boule de flipper, comme d'habitude. On s'enlace, on se laisse déjà, quitte pas. Dans un petit bal qui avait souffert, tous les garçons et les filles se vendra à 4 millions d'exemplaires. Je t'aime encore, mais plus vraiment ton triangle d'or. Tu entends des voix, reste digne, le miel à ma main qui te touche, moi l'homme loup au cœur d'acier. Elle a les yeux revolver, inutile de fuir ou de lutter. Le brouillard sur la mer s'est endormi, ma vie dans ton silence, c'était bien. Je pense à toi, parce que c'est toi, tout simplement, nuit magique et tu danses avec lui. Aline, le premier pas en duo avec Cécile et Cara, aimer. L'envie d'aimer. Du côté de chez Swan, 3 heures d'intérêts généraux. Il a neigé yesterday, les neiges du Kilimanjaro. Minutes supplémentaires qui font de ma vie durent 2 fois plus longtemps. Adieu joli Candy, là-bas le géant de papier a le regard qui tue. Les yeux faits pour l'amour d'aimer, couleur mentalo. Un escalier pour le paradis, on dirait le sud. 10 ans plus tôt, la minute de silence. J'ai tout perdu, mais j'aimerais mieux ne pas. Fermez l'eau quand vous vous brossez les dents. On n'arrivera jamais à programmer le sentiment des amours dans les robots. C'est le monsieur de la dernière fois, la qualité a pris discount. Tu vis toujours... Me reposer un peu. Adieu. Ok, alors ça c'était un autre slow. Et puis maintenant je vais vous faire écouter un dernier slow. Il est là. Alors faut que je mette ça. Faut que je prenne le... Ah non, tu peux mettre là du coup. C'est là, c'est le zoom. Ah oui, ça. Ok. Tu t'es monté, c'est bon. C'est parfait. Cool. Ouais, c'est un slow que j'aime bien. Alors du coup, je vais l'avoir sur cassette et puis l'enregistrer. Et il est là. Je vais vous faire écouter. Faut que je trouve le début. Là, c'est le début. J'ai du slow. Alors, ça marche comme ça, tac, on va se mettre là, normalement, c'est bon, ça c'est bon, là, là. Et puis voilà. Y a pas le son, si. Non, il faut monter le canal, non? Ah ouais, mais y a pas parce que t'as coupé le monitoring. Ah, faux. On va faire ça. Ah, bah non. Non, mais attends, il faut monter la. Si, si, attends. Ah, mais je sais pourquoi suis-je ballon. C'est ça qu'il faut faire. Aux, sen. Alors, je vais recommencer. Vous avez rien entendu, hein. On est d'accord. Faites comme si vous avez rien entendu. Et normalement, je fais ça. Ah, il a bloqué. Eh ben, allez donc. Il a pas envie aujourd'hui. Yeah. Et voilà. Merci pour votre attention. C'est un plaisir. C'est un plaisir de bosser ici. Et c'est un merci à Johnny et à Séléné qui font super bien bouffer. Et merci à. Qui fait super bien bouffer aussi. Irène. Voilà. Ah, je te vois péter derrière le poteau. C'est pour ça. Et merci à vous, chers auditeurs et spectateurs.